Ce sera, paraît-il, le plus beau bâtiment de leur flotte. On parle de 6500 tonneaux. Il fera son premier voyage le mois prochain. » Roland s'étonnait. « Déjà, je croyais qu'il ne serait pas en état de prendre la mer cet été. » Pardon, on a poussé les travaux avec ardeur pour que la première traversée ait lieu avant l'automne. J'ai passé ce matin au bureau de la compagnie et j'ai causé avec un des administrateurs. Ah ah, lequel ? Monsieur Marchand, l'ami particulier du président du conseil d'administration. Tiens, tu le connais ? Oui, et puis j'avais un petit service à lui demander. Ah, alors tu me feras visiter en grand détail la Lorraine dès qu'il entrera dans le port, n'est-ce pas ? Certainement, c'est très facile. Jean paraissait hésiter, chercher ses phrases, poursuivre une introuvable transition. Il reprit. En somme, c'est une vie très acceptable qu'on mène sur ces grands transatlantiques. On passe plus de la moitié des mois dans deux villes superbes, New York et Le Havre, et le reste en mer avec des gens charmants. On peut même faire là des connaissances très agréables et très utiles pour plus tard. Oui, très utiles parmi les passagers. Songe que le capitaine, avec les économies sur le charbon, peut arriver à 25 000 francs par an, sinon plus. Roland fit un bigre, suivi d'un sifflement qui témoignait d'un profond respect pour la somme et pour le capitaine. Jean reprit. Le commissaire de bord peut atteindre 10 000 et le médecin à 5 000 de traitement fixe avec logement, nourriture, éclairage, chauffage, service, etc. Ce qui équivaut à 10 000 au moins, c'est très beau. Pierre, qui avait levé les yeux, rencontra ceux de son frère et le comprit. Alors, après une hésitation, il demanda. Est-ce très difficile à obtenir les places de médecin sur un transatlantique ? Oui et non, tout dépend des circonstances et des protections. Il y eut un long silence, puis le docteur reprit. C'est le mois prochain que part la Lorraine ? Oui, le 7. Et ils se turent. Pierre songeait. Certes, ce serait une solution s'il pouvait s'embarquer comme médecin sur ce paquebot. Plus tard, on verrait, il le quitterait peut-être. En attendant, il y gagnerait sa vie sans demander rien à sa famille. Il avait dû l'avant-veille vendre sa montre, car maintenant il ne tendait plus la main devant sa mère. Il n'avait donc aucune ressource, hors celle-là, aucun moyen de manger d'autre pain que le pain de la maison inhabitable, de dormir dans un autre lit, sous un autre toit. Il dit alors, en hésitant un peu, « Si je pouvais, je partirais volontiers là-dessus, moi. » Jean demanda, « Pourquoi ne pourrais-tu pas ?»« Parce que je ne connais personne à la compagnie transatlantique. » Roland demeurait stupéfait. « Et tous tes beaux projets de réussite, que deviennent-ils ? » Pierre murmura. « Il y a des jours où il faut savoir tout sacrifier et renoncer aux meilleurs espoirs. D'ailleurs, ce n'est qu'un début, un moyen d'amasser quelques milliers de francs pour m'établir ensuite. » Son père aussitôt fut convaincu. « Ça, c'est vrai. En 2 ans, tu peux mettre de côté 6 ou 7 000 francs qui, bien employés, te mèneront loin. Qu'en penses-tu, Louise ?» Elle répondit d'une voix basse, presque inintelligible. « Je pense que Pierre a raison. » Roland s'écria. « Mais je vais en parler à Monsieur Poulain, que je connais beaucoup. Il est juge au tribunal de commerce et il s'occupe des affaires de la compagnie. J'ai aussi Monsieur Lignan, l'armateur, qui est intime avec un des vice-présidents. » Jean demanda à son frère. « Veux-tu que je tâte aujourd'hui même, Monsieur Marchand ?»« Oui, je veux bien. » Pierre reprit après avoir songé quelques instants. « Le meilleur moyen serait peut-être encore d'écrire à mes maîtres d'école de médecine qui m'avaient en grande estime. » On embarque souvent sur ces bateaux-là des sujets médiocres. Des lettres très chaudes, des professeurs Mas-Roussel, Rémuseau, Flash et Bourriquel enlèveraient la chose en 1 heure mieux que toutes les recommandations douteuses. Il suffirait de faire présenter ces lettres par ton ami M. Marchand au conseil d'administration. Jean approuvait tout à fait. Ton idée est excellente. Excellente. Et il souriait, rassuré, presque content, sûr du succès, étant incapable de s'affliger longtemps. Tu vas leur écrire aujourd'hui même, dit-il. « Tout à l'heure, tout de suite, j'y vais. Je ne prendrai pas de café ce matin, je suis trop nerveux. » Il se leva et sortit. Alors Jean se tourna vers sa mère. « Toi, maman, qu'est-ce que tu fais ?»« Rien, je ne sais pas. »« Veux-tu venir avec moi, jusque chez Madame Rosémilly ?»« Mais oui, oui. »« Tu sais, il est indispensable que j'y aille aujourd'hui. »« Oui, oui, c'est vrai. »« Pourquoi ça, indispensable ?» demanda Roland, habitué d'ailleurs à ne jamais comprendre ce qu'on disait devant lui. « Parce que je lui ai promis d'y aller. »« Ah, très bien, c'est différent alors. » Et il se mit à bourrer sa pipe, tandis que la mère et le fils montaient l'escalier pour prendre leur chapeau. Quand ils furent dans la rue, Jean lui demanda « Veux-tu mon bras, maman ?» Il ne le lui offrait jamais, car ils avaient l'habitude de marcher côte à côte. Elle accepta et s'appuya sur lui. Ils ne parlèrent point pendant quelque temps, puis il lui dit « Tu vois que Pierre consent parfaitement à s'en aller. » Elle murmura « Le pauvre garçon !»« Pourquoi ça, le pauvre garçon? Il ne sera pas malheureux du tout sur la Lorraine ?»« Non, je sais bien, mais je pense à tant de choses. » Longtemps, elle songea, la tête baissée, marchant du même pas que son fils. Puis, avec cette voix bizarre qu'on prend par moments pour conclure une longue et secrète pensée, « C'est vilain, la vie. Si on y trouve une fois un peu de douceur, on est coupable de s'y abandonner et on le paie bien cher plus tard. » Il dit très bas, « Ne parle plus comme ça, maman. » « Est-ce possible ? J'y pense tout le temps. » « Tu oublieras. » Elle se tut encore, puis avec un regret profond. « Ah, comme j'aurais pu être heureuse en épousant un autre homme !» À présent, elle s'exaspérait contre Roland, rejetant sur sa laideur, sur sa bêtise, sur sa gaucherie, sur la pesanteur de son esprit et l'aspect commun de sa personne, toute la responsabilité de sa faute et de son malheur. C'était à cela, à la vulgarité de cet homme, qu'elle devait de l'avoir trompé, d'avoir désespéré un de ses fils, et fait à l'autre la plus douloureuse confession dont put saigner le cœur d'une mère. Elle murmura « C'est si affreux pour une jeune fille d'épouser un mari comme le mien !» Jean ne répondait pas. Il pensait à celui dont il avait cru être jusqu'ici le fils, et peut-être la notion confuse qu'il portait depuis longtemps de la médiocrité paternelle, l'ironie constante de son frère, l'indifférence dédaigneuse des autres et jusqu'au mépris de la bonne pour Roland, avait-il préparé son âme à l'aveu terrible de sa mère? Il lui en coûtait moins d'être le fils d'un autre et, après la grande secousse d'émotion de la veille, s'il n'avait pas eu le contre-coup de révolte, d'indignation et de colère, redouté par Madame Roland, c'est que depuis bien longtemps il souffrait inconsciemment de se sentir l'enfant de ce lourdeau bonasse. Ils étaient arrivés devant la maison de Madame Rosemilly. Elle habitait sur la route de Sainte-Adresse, le deuxième étage d'une grande construction qui lui appartenait. De ses fenêtres, on découvrait toute la rade du Havre. En apercevant Madame Roland, qui entrait la première, au lieu de lui tendre les mains comme toujours, elle ouvrit les bras et l'embrassa, car elle devinait l'intention de sa démarche. Le mobilier du salon, en velours frappé, était toujours recouvert de housse. Les murs, tapissés de papiers à fleurs, portaient quatre gravures achetées par le premier mari, le capitaine. Elles représentaient des scènes maritimes et sentimentales. On voyait sur la première la femme d'un pêcheur, agitant un mouchoir sur une côte, tandis que disparaît à l'horizon la voile qui emporte son homme. Sur la seconde, la même femme, à genoux sur la même côte, se tord les bras en regardant loin, sous un ciel plein d'éclairs, sur une mer de vagues invraisemblables, la barque de l'époux qui va sombrer. Les deux autres gravures représentaient des scènes analogues dans une classe supérieure de la société. Une jeune femme blonde rêve, accoudée sur le bordage d'un grand paquebot qui s'en va. Elle regarde la côte déjà lointaine d'un œil mouillé de larmes et de regrets. Qui a-t-elle laissé derrière elle? Puis la même jeune femme, assise près d'une fenêtre ouverte sur l'océan, est évanouie dans un fauteuil. Une lettre vient de tomber de ses genoux sur le tapis. Il est donc mort, quel désespoir! Les visiteurs, généralement, étaient émus et séduits par la tristesse banale de ces sujets transparents et poétiques. On comprenait tout de suite, sans explication et sans recherche, et on plaignait les pauvres femmes, bien qu'on ne sût pas au juste la nature du chagrin de la plus distinguée. Mais ce doute même aidait à la rêverie. Elle avait dû perdre son fiancé. L'œil, dès l'entrée, était attiré invinciblement vers ces quatre sujets et retenu comme par une fascination. Il ne s'en écartait que pour y revenir toujours et toujours contempler les quatre expressions des deux femmes qui se ressemblaient comme deux sœurs. Il se dégageait surtout du dessin net, bien fini, soigné, distingué à la façon d'une gravure de mode, ainsi que du cadre bien luisant. Une sensation de propreté et de rectitude qu'accentuait encore le reste de l'ameublement. Les sièges demeuraient rangés, suivant un ordre invariable, les uns contre la muraille, les autres autour du guéridon. Les rideaux blancs, immaculés, avaient des plis si droits et si réguliers qu'on avait envie de les friper un peu, et jamais un grain de poussière ne ternissait le globe ou la pendule dorée, de style empire, une mappemonde portée par un atlas agenouillé semblait mûrir comme un melon d'appartement. Les deux femmes, en s'asseyant, modifièrent un peu la place normale de leur chaise. « Vous n'êtes pas sortie aujourd'hui ?» demanda Madame Roland. « Non, je vous avoue que je suis un peu fatiguée. » Et elle rappela, comme pour en remercier Jean et sa mère, tout le plaisir qu'elle avait pris à cette excursion et à cette pêche.